9h03, je viens de parler à mes collègues qui ont les mains bien gelées. C'est pas drôle pour notre opération drapeau ce matin. Ils ont vissé à peu près entre, je sais pas, peut-être 600-700 drapeaux là, en une heure et demie. 600-700 drapeaux du Canada. Auriez-vous cru ça un jour? On allait distribuer des drapeaux du Canada. Hey, on pensait faire toute la semaine. On fera pas toute la semaine, ça c'est sûr. Demain, on s'en va dans l'ouest de la ville pis on va donner le reste. Il en reste encore la moitié. Alors, on a dû interrompre ce matin dans le coin de Vanier pour des raisons de sécurité. Puis je les crois, mais ils m'ont conté un peu ce que ça donnait sur le terrain. Il y avait trop de monde. Puis là, le commerce s'ouvrait puis tout. Alors, merci, vous l'aviez demandé. On a répondu à ça. Les gens nous appellent pour dire qu'ils voient passer. Tant mieux. Demain, on va continuer l'opération dans l'ouest de la ville. On commence avec le trafic parce que Mario Hudon...